Qui sait doubler tous ses attraits, qui rend les gens plus accessibles jusqu'au roi dans leur palais, qui donne des carrosses aux petites femmes de Paris et qui souvent donne des crosses à beaucoup de maris. Je crois bien que c'est l'amour, joie de la nature. C'est toujours le même, de ses bras il nous entoure, quand on nous murmure, monsieur je vous aime, il nous entraîne et l'on accourt, et l'on s'embrasse, et l'on s'enlace. Je crois bien que c'est l'amour, ce vieux troubadour, qu'on aime toujours. La jeune midinette pour se mettre en vogue à Paris, que fait pour devenir vedette une femme qui a des amis, que font dans les coulisses avocats, banquiers et docteurs, et que font souvent les actrices avec beaucoup d'auteurs. Je crois bien que c'est l'amour, riche ou mendiant, c'est toujours le même. De New York à Singapour, dans l'Afghanistan, on dit je vous aime. Sur la Garonne et sur la Dour, les femmes se donnent et s'abandonnent. Je crois bien que c'est l'amour, ce vieux troubadour, qu'on aime toujours.